pousse au milieu des cactus ma rancœur. Une orchidée qui pousse au milieu du béton. Le printemps est clos. Juste le temps de bosser avec Chrome. La nature reprend ses droits et le printemps est clos. J'suis pas ce gars qui croit tout savoir sauf qu'il a l'air con. Une orchidée qui pousse au milieu du béton. Et voilà les milliers de mots qu'il a les troncs. Voilà quatre saisons sans perdre la raison. Des fois ma plume est claire, des fois ma plume est sombre. Une orchidée qui pousse au milieu du béton. Et voilà les milliers de mots qu'il a les troncs. Une orchidée qui pousse au milieu des cactus. Ma rancœur n'en demandait pas plus. Un couplet dans ma peau, toujours le même j'assume. Un couteau dans une plaie n'a pas de belles allures. La nature reprend ses droits, l'année dernière elle accuse. Soit, j'ai pas rêvé, l'adversaire me salue. Ma plume m'a aidé à traverser la brume. Ce soir la lune est pleine et la terre-mère s'allume. J'aimerais pouvoir dire que tout le mal est fait. Hein, des racines et des ailes et qui peut m'arrêter. Le vent coupe et le temps prouve qu'il est seul à régner. Et voilà les milliers de pleurs qui vont l'allaiter. Les appels en sanglots pressés dans la fessée. Quand la planète s'endort, je reste à veiller. Des racines et des ailes et qui peut m'arrêter. Hein, j'aimerais pouvoir dire que tout le mal est fait. Un pour tous, tous pour un, lequel t'en fera douter. J'ai plus l'âge de parler pour rien, mais j'ai le temps d'écouter. Ces quelques mots me trottent en tête en clôturant ce couplet. Qui ne se plante jamais, n'a aucune chance de pousser. La nature reprend ses droits et le printemps est clos. J'suis pas ce gars qui croit tout savoir sauf qu'il a l'air con. Une orchidée qui pousse au milieu du béton. Et voilà les milliers de mots qu'il a les troncs. Voilà quatre saisons sans perdre la raison. Des fois ma plume est claire, des fois ma plume est sombre. Une orchidée qui pousse au milieu du béton. Et voilà les milliers de mots qu'il a les troncs.